C'est pas la peine de miser, les dés sont pipés d'avance, t'as peu de chance d'y arriver, car ils vont te briser, vivre en marge de ce système. Peu de personnes peuvent le prétendre, c'est du marche ou crève, tu le sais, je vais rien t'apprendre. À la suite d'une grosse carotte, fume de la drogue pour patienter, le mal de vivre comme garde du corps. La mer, tu nous fais chanter, vu mon train de vie. J'ai pas tardé à dérailler, où j'ai enfreint des interdits, je regrette pas d'y être allé. Comment suis-je arrivé là, à fumer des joints au petit déj, dans la dèche. Je suis pas un ange, je fais pas la prière, cherche à sortir comme un banlieusard un vendredi soir. Musique de Makiza, rien à foutre si je vends deux disques. Mon quart de son, mandat 19, c'est plus qu'un boulard, passe le message. Essonne, Val de Marnier, Bretagne, marre de voir mes gens galérer avec le SMIC. On est arrivé là où je pense, ça serait la guerre civile. Qui veut miser des barques, quand sous le débarque, les cités de baf. Et si tu baves, la suite est pas, j'hésiterai pas. Tu ne veux pas finir le rat l'hosto, y'a peu de temps, cousin, toi t'écoutais encore les Rolling Stones. 94, c'est le secteur que toutes les balances créent. Fais le détour ma gueule, si tu veux pas trop, tu ne balancerais. Ils comprennent pas que la barre est haute. Après ces fils de pute te prennent pour des clés par des halls, hein. Je ferme mes thunes, avant que t'enfermes-tu, cousin. J'suis la boutique et ils veulent tous la fermeture, hein. Comme dit le juge, y'aura des suites, hélas, des suites, hélas. Mais ouais, cousin, ça sert à rien d'hésiter là. Autant de galères dans le rat que toi, t'en aurais dans le bis. Et si t'arrêtes, tant pis. De toute façon, t'as rien dans le bis. J'plaide coupable. Pas comme tes sauces qui sous plein de coups parlent. Le mois de coups pas ici et c'est au bled qu'on part. Regarde de quoi t'es capable, connard t'es garbat. On agit comme le Maradona des Carpates. Laisse les gars, les dégâts, c'est rien, c'est pas comme bâtir. Combatif, on bâtit de nos valeurs, tu trouves normal le doute. Et je me fous d'autres, c'est plus le football moi. J'en vais personne et un pastard sur une pommade. C'est comme parler de pute mais sans l'atteindre. On parle de pute, je m'en tape comme ta mère sans l'atteindre. Tu passes pas de gauche à droite comme Véron avec une transversale. J'apprécie le méritant et mes rimes tendent vers ça. Parle pas de ta vie si tu la veux rose. Et puis nique leur veux rôle si tu crois que j'ai le temps de faire ça. Qu'est-ce que tu crois? Je vois rien ou que je suis myope. Tu me vois en train de soulever le ciel et de gueuler. Plus j'immobe, plus j'innove, plus j'entendais. À croire que tu pousses une mode, ton possible m'observe. Je me gratte un petit, j'en ferai plus une mode. Gros, c'est plus qu'un 16 que je sors, ça vient des tripes. Mon talent, juste un zeste. Moi, je suis pas blindé de bif. C'est pour mon rituel, mon complot microclimat. Moi, je fuck le I2S. Au complet, la clique fait mal. Une fuite de gaz et tout saute, je suis l'étincelle. De suite, je débarque, jamais un coup. Car toujours, il me reste un 16. Mat comme mon mitraille, ça sort, me tire pas le bidon. La vie, c'est consigne. De les lire, j'ai pas pris le temps. Je trébuche sur le tas, je fais des efforts, pas de résultats. Je finirai pas déjanté, je veux faire partie des gens bien. En arriver là, c'est du jour au lendemain. Viens poser si je te croise, c'est notre genre, on l'admet. Je paiera du matin jusqu'au soir, rien à foutre des magazines. Et tu sais que les anciens crament quand tu passes le mic à Sweet. Premier pas, c'est une grenade et tout à coup je dégoupille. Et Nirka, j'oublie pas, comme tu l'as dit, tout est possible. Lors de mes premiers pas, je prenais le ballon comme destiné. Aujourd'hui, les yeux rouges devant les gyros à esquiver. On pèse du fer ou reste inerte. J'en baisse la bière, la routine teste. Notre premier pas sous forme d'un skate. C'est sur Paname qu'on passe un scan. Pour voir le jour, c'est pas facile. Donc on la couche par césarienne. SMKS, c'est officiel. Et ça pique grave les césarennes. Signé Nirka, c'est la technique comme George Hadji. On apprécie ce genre d'artiste. Mais c'est le porto, c'est pas le roumain. C'était de Sky et c'est l'orgie. Même vos partout, on vous malmène. Regarde ce monde qui plein de sottises. La Géorgie, tout c'est civil. Bombardement sur l'Ossétie. Ça me refroidit donc je passe un switch. Je m'emporte moi et j'ose le don. Je rappelle l'injustice de Manda Swill. Sacrof calife avec des oui. Je raconte ma life, je fais les D8. Car l'écriture elle lente mes nuits. J'ai trop de face, trop de texte dans ma tête, ça gastro. Je continue tes gras même si je fais chier comme la gastro. On verra, j'ouvre la bouche, je mets les galères sur la touche. Je m'occupe de mes textes comme d'un gosse. J'arrive pas quand faut changer la couche. Je te dis l'ami, je suis dynamique. Mon crâne est plein de dynamite pour nourrir mon répertoire. Il me faudrait au moins 10 marmites. Je suis rentré dans la prod. Va et vient, j'en suis sorti fier. Même si pour moi ça veut dire mec cool, pas menteur certifié. Longue et l'escalade, tu pas au sommet du monde. J'suis un démoné en mai, mais j'reste le même quand y'a du monde. Souvent j'dors pas, j'me fais chier dans mon petit lit sans garrot. Parfois j'rêve profondément, les filles au Kilimanjaro. Quand j'rappe t'as les yeux effarés, tu dis merci qui s'est enfoiré. Un mec a autant de textes qu'il y a d'arbres dans une forêt. J'essaie de rien oublier, la tech, le flow, la rime est là. Ça se fait pas en claquant des doigts, faut le taf pour en arriver là. Jusque là j'dois dire j'suis pas bien loin, y'a rien de mirobolant. Mais bon shit, donc j'en suis arrivé là. Mort en volant, en gros à leur place, bah j'm'en serais bien voulu. J'me défonce au pilon, ouais ouais mon gros, j'en suis arrivé là. C'est que j'ai pas rêvé loin, le champ qui reste à ravaler. Les volets que vous les ravalerez, pas le temps de me pavaner. Eh ouais cousin, la chance n'est pas vu non. Pas 36 directions, j'en prendrai qu'une et puis bah j'dirai que c'est le daron anxieux, c'est pas pour moi, j'fais garde en réaction. J'représente à ma façon, j'me déplace pour la passion. Ces temps-ci, gros j'ai bossé, faire tourner les citations. Si, si ma gueule, gras du bif.